J'aimerais composer une chanson pour toi. J'aimerais composer des ritournelles pour toi. J'aimerais écrire les plus beaux couplets, mais toi, tu refuses mon modeste cadeau. Mais toi, tu rejettes mes balades zéro d'eau. Comme le damoiseau aime sa damoiselle, le jeune gazon aime sa gazelle. Comme le puceau aime la pucelle, le jeune étourneau fait des ritournelles. Pour toi, j'aimerais écrire le joli vers frais. Pour toi, j'aimerais rendre la rime plus belle. Mais toi, tu refuses mes modestes sonnets. Mais toi, tu rejettes mes poèmes les moins laids. Je suis amoureux d'un petit oiseau au tendre du vert accord d'hirondelle. Et je voudrais être le damoiseau, le prince charmant de la damoiselle. Je suis fort en thème, pas fort en je t'aime, et cela me pose un sérieux problème.